Bonjour à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure de retrouver Marie Montassier pour la chronique 10 minutes pour soi. Marie qui va révéler votre beauté. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Maxine. Bonjour, comment vous allez ? Bah très bien. Ça va super. Donc aujourd'hui, on va évidemment parler beauté. Alors, quel est le sujet du jour ? Eh bien là, on va parler des imperfections de la peau du visage, mais pas que chez les jeunes. On va parler des petites imperfections même chez les adultes. L'acné de l'adulte existe, est très courant. Et même sans aller jusqu'à l'acné, c'est vrai qu'on a souvent des petites imperfections qui apparaissent, souvent par période. Et puis, ce n'est pas toujours très agréable. Évidemment, pas très esthétique forcément. Non, voilà. Alors là encore, ça crée de gros complexes. On avait, lors de la dernière émission, évoqué les problèmes de cellulite. Est-ce que tu constates chez tes clientes un complexe par rapport à la peau ? Oui, surtout que souvent, comme ça arrive par période, elles sont surprises. C'est-à-dire que d'un coup, je reçois des messages où elles me disent « Mais Marie, je ne comprends pas, ma peau là, ça ne va plus du tout, j'ai des imperfections, des boutons, les pores dilatés, des points noirs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors déjà, il y a, comme pour la cellulite, un facteur très important à prendre en compte, c'est que la peau parfaite n'existe pas. Et la difficulté, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on voit que des peaux parfaites, sauf que c'est des peaux ultra maquillées, retouchées, photoshopées, avec des filtres, et un éclairage lors de la prise de photos très spécifique. Donc en fait, on n'a aucune idée du réel aspect de peau des femmes que l'on voit sur les réseaux sociaux, même à la télévision, c'est un petit peu le même principe. Et dans les magazines, n'en parlons pas. Donc du coup, il faut bien se rendre compte que la peau parfaite n'existe pas. Les rougeurs, les points noirs sur le nez, les pores dilatés et des petits boutons par-ci par-là, en fait, c'est le lot quotidien de tout le monde, et je peux vous le promettre, même des Instagrammeuses que vous croyez parfaites, que vous voyez sur les réseaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un effet en ce moment, il y a beaucoup d'actrices ou de qui comédiennes... Qui affichent plus leur peau. Oui, voilà, au naturel. Oui, mais quel naturel ? C'est-à-dire, elles ont accès à des soins, des suivis, des produits, des techniques, peut-être même de médecine esthétique, auxquelles nous, dans notre quotidien, on n'a pas accès. Donc oui, c'est vrai, c'est déjà bien. Parce qu'elles se montrent avec leurs rides, elles se montrent... Donc, c'est déjà une grosse avancée. Mais malgré tout, c'est pas madame tout le monde. Oui. Voilà. Donc, y a voilà, exactement. Attention, c'est vraiment ça. L'idée, c'est pas de se complexer en regardant ça. Voilà. Donc, c'est vrai que les petites imperfections, c'est jamais agréable. Et encore une fois, il n'en est pas moins qu'on peut faire des choses pour améliorer les choses. Mais donc, il y a différents types d'imperfections, comme vous disiez. Rien que pour l'acné, par exemple, il y a différents types. Oui, finalement. Complètement. Donc là, les différents types d'imperfections, ça va aller des boutons, effectivement, aux rougeurs, aux cicatrices, pour les gens qui ont eu de l'acné et qui n'en ont plus, aux pores dilatés, aux points noirs. Là, c'est très, très variable, ça dépend des gens. Et tel type d'imperfection va gêner une personne et une autre moins. Enfin, là, c'est vraiment très personnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peau, elle est déséquilibrée quand son film hydrolipidique de surface est déséquilibré. Alors, le film hydrolipidique de surface, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de film invisible qui recouvre notre peau et qui, normalement, lui permet de se réguler elle-même. Il lui permet de s'hydrater, de se nourrir et de se protéger. Donc, en théorie, notre peau, quand tout va bien, elle est autonome. Sauf qu'il y a plein de facteurs, qu'ils soient endogènes ou environnementaux, qui font que ce film, il se déséquilibre, il s'altère. Et c'est là que les problèmes commencent. La pollution, tout ça notamment ? Exactement. La pollution, la fumée de cigarette. Alors là, pour les fumeurs, mais ils le savent, les fumeurs, ils ont souvent un teint terne, un peu brouillé, des rides qui vont apparaître plus facilement parce que la nicotine, en fait, se dépose sur leur visage constamment et abîme énormément les tissus et abîme ce film hydrolipidique de surface. La pollution également. Là, l'important, en fait, c'est de se protéger avec une crème de jour. L'un de mes conseils principaux pour éviter les imperfections, c'est d'appliquer tous les matins une crème de jour. C'est primordial. La crème de jour, c'est le manteau de votre peau, c'est sa protection. Plus votre peau va se sentir protégée, moins elle aura tendance à vouloir se défendre elle-même. Notamment, moins elle aura tendance à produire du sébum. Sébum qui crée les imperfections. Donc souvent, les gens qui ont la peau qui a tendance à être grasse, à faire des boutons, ils sont réticents à appliquer une crème de jour parce qu'ils ont l'impression que ça va encore plus graisser leur peau. S'ils choisissent une crème de jour adaptée et de qualité, ça ne va faire qu'améliorer les choses. Est-ce que ça représente un gros budget d'avoir une crème de jour ? Oui. Oui. Je préfère être honnête. Oui. Non, mais c'est important. Alors, je vais vous dire tout et son contraire. Ce n'est pas forcément une question de prix. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher, par exemple, chez la marque La Prairie, des crèmes à 300 euros. En revanche, quand vous achetez une crème en supermarché ou en pharmacie, 10 ou 12 euros, il ne peut pas y avoir des choses de qualité dedans au vu du prix. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, il faut quand même une certaine gamme de produits. Je dirais qu'une bonne crème de jour, après 30-35 ans, on va être au minimum autour des 60, 70, 80 euros. Un pot, si vous l'appliquez bien tous les jours, va faire 3 mois à peu près. D'accord. Donc, c'est un budget. Mmh. C'est un budget, c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même un minimum de, ne serait-ce que la concentration en actif. Mmh. Pour avoir des résultats. La texture, pareil, on le disait, les gens qui ont la peau grasse, la peau un peu acnéique, ils vont avoir du mal avec les textures trop épaisses, trop onctueuses. Donc, il va falloir trouver des textures bien travaillées, assez légères, mais en même temps protectrices. Mmh. Tout ça, c'est de la technique et ça demande de l'expertise, des produits de qualité. Et du coup, c'est sûr qu'en termes de budget, pour avoir des résultats et une bonne protection, on va tout de suite être autour, allez, à partir de 50, 60 euros, vous allez pouvoir trouver des produits de qualité. Mmh, d'accord. Mais c'est un budget, c'est clair. Oui, oui, non, mais c'est... C'est clair et net. Et vous parliez tout à l'heure que ça venait par période. Et qu'est-ce qui explique ça, finalement? Pourquoi des fois, il n'y a rien, puis d'un coup, c'est la folie? Eh bien, justement, très bonne question. Alors, t'es stressée, Maxine, peut-être. Oui, notamment, l'état émotionnel joue énormément. Ah, moi, oui. Quand mes clientes me disent, voilà, je ne comprends pas, j'ai plein de boutons qui sont arrivés, je leur demande tout de suite, est-ce qu'il y a eu un stress? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Donc là, si c'est ça, il y a un travail à faire sur les émotions. Ça peut être de la sophrologie, de l'hypnose, se faire accompagner par un thérapeute. Enfin, il y a tout un travail de fond à faire. C'est-à-dire qu'au final, on part d'un problème esthétique, un peu de beauté qui pourrait paraître superficiel, mais qui parfois amène à faire un travail de fond sur soi parce que c'est les émotions qui ont généré ça. Il y a aussi tout simplement les hormones. Oui. Et ça, alors ça, pour le coup, on ne peut pas faire grand-chose, nous, les femmes. C'est cyclique. Hein. Souvent, avant les règles, la peau, ce n'est pas là qu'elle est la plus nette. Mmh. Bon, ça, apparaît patiente et encore une fois, travailler l'acceptation. C'est pareil, c'est juste naturel, c'est notre cycle féminin qui est fait comme ça. Et puis, on en parlait aussi, il y a l'environnement, la pollution et l'exposition au soleil. Alors ça, c'est la pire catastrophe, c'est vraiment très important de protéger. C'est ce qui endommage plus, du coup? Oui, le vieillissement dû au soleil, c'est la première cause de vieillissement de la peau. C'est-à-dire que le soleil, il est vraiment catastrophique pour notre peau. Donc l'idée, c'est vraiment, dès qu'on s'expose, d'appliquer une crème solaire par-dessus la crème de jour, c'est très important. Il y a plusieurs écoles. Personnellement, je ne suis pas pour une application de crème solaire à l'année, à moins que vous travailliez en extérieur ou que vous habitiez dans des endroits très exposés, très chauds. En revanche, du mois de mars au mois de septembre-octobre, c'est important d'avoir soit une crème de jour avec un léger indice de protection solaire, soit de rajouter une crème solaire par-dessus votre crème de jour. D'accord. C'est très important pour protéger la peau, pour la préserver au maximum. Alors, quand on applique un fond de teint, une bébé crème, des choses comme ça, ça vient aussi endommager la peau? Ça dépend de la qualité du produit. Mm-hmm. Et puis, ça dépend si vous vous démaquillez. En fait, ça, c'est une des règles numéro un pour avoir une jolie peau, c'est de se démaquiller systématiquement, même quand on arrive à 3h du mat de soirée et qu'on n'en peut plus. Mm-hmm. C'est vraiment très important de se démaquiller, c'est une des règles principales. Et toujours mettre une sous-couche, on dit souvent, avant de mettre un fond de teint, mettre une crème hydratante. De toute façon, toujours votre crème de jour. Ça, quoi que vous fassiez, maquillée, pas maquillée, crème de jour. Parce que votre fond de teint, il ne va pas faire office de protection pour votre peau. Donc, elle va se prendre les agressions. Et puis, dernier conseil qui, je dirais, est le plus important. Souvent, quand on a des imperfections, on fait l'erreur de vouloir décaper notre peau. Des exfoliants, ce genre de choses. Vous savez, tout ce qui est savon purifiant sous la douche, beaucoup de gommage, on veut la décaper. Sauf que plus on va faire ça, plus la peau va chercher à se défendre parce qu'elle va se sentir agressée. Donc, au contraire, beaucoup de douceur. Moi, je conseillerais le matin pour la rafraîchir, juste un pchit d'eau thermale qu'on trouve en pharmacie. Mm-hmm. On sèche avec un mouchoir propre en tamponnant, on ne frotte pas, et on met sa crème de jour. Et le soir, un coton de lotion, on tamponne avec un mouchoir propre et on met une crème de nuit. C'est tout! En fait, plus on a d'imperfections, moins il faut en faire. Plus il faut laisser la peau tranquille et on attend, 20-30 jours. On dit que le renouvellement cellulaire dure 21 jours, donc un petit mois pour voir les changements s'opérer. C'est si rapide que ça? Oui, ça va très vite. Dès que moi, je vois mes clientes, et c'est marrant, j'ai l'impression parfois de donner toujours les mêmes conseils. Oui, mais si ça marche. Mais ne serait-ce que cette routine-là, d'arrêter d'agresser la peau, avec l'eau thermale le matin, la lotion le soir et la crème de jour tous les matins, en quelques jours, semaines, ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence au niveau des boutons, des points noirs, même des petites rides, choses comme ça? Tout, parce que le fait de mettre votre crème de jour tous les jours, ça va aussi redonner de l'élasticité à votre peau. Et donc, les rides vont s'estomper. Elle va retrouver du rebond, elle va retrouver de la matière. Enfin, oui. Vraiment, ça paraît bête, en fait. Mm-hmm. Mais encore faut-il le savoir, ça ne s'invente pas. Ne serait-ce que de mettre cette petite routine-là en place fait toute la différence. Et vous parlez beaucoup de l'hydratation de la peau directement, mais l'hydratation en elle-même, aussi, boire, exactement, joue également. Alors, l'hygiène de vie, et ça c'est pareil, j'ai l'impression un peu de, quelle que soit la thématique, de répéter la même chose, mais l'hygiène de vie va jouer énormément. Donc, une alimentation équilibrée, activité physique régulière, le sport fait une belle peau. Oui, oui, parce que ça active la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Oui. Hydratation, donc boire de l'eau. Tout ça, c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment la base, c'est-à-dire que c'est les fondations de votre maison. Vous pouvez mettre des crèmes à 300 euros. Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, ça va aider, mais beaucoup moins, quoi. Et comme dans le cas de la cellulite, lors de la dernière chronique, j'avais envie de poser cette question. Est-ce qu'il existe des petits automassages du visage pour, oui, pouvoir justement... Tout à fait. Alors, c'est difficile à décrire en radio, oui, mais l'idée ne serait-ce que quand vous appliquez déjà votre crème de jour. Mm-hmm. Vous l'appliquez en mouvement descendant au niveau du cou, puisqu'une, mm-hmm, crème de jour s'applique jusqu'aux clavicules. Oui, d'accord. Pour bien préserver aussi la peau du cou. Donc, vous l'appliquez en mouvement descendant de la mâchoire jusqu'aux clavicules. Et ensuite, sur tout le reste du visage, vous l'appliquez en mouvement ascendant. Vous commencez par la mâchoire, vous montez, ensuite les joues, le contour des yeux et le front. Ah oui, d'accord. Toujours vers le haut, pour remonter tout le bazar. D'accord. Et ça, dans ton institut, tu le proposes ? Bien sûr, notamment, mmh, au travers du lifting Kobido. C'est vraiment une technique manuelle de lifting, il porte très bien son nom, et qui va permettre de relancer la production de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique, et de remodeler, de tonifier, de lifter, de lisser le visage et de lui redonner de l'éclat. Et là encore, en 30 jours, on en voit déjà la différence. Un lifting Kobido, dès le lendemain, vous voyez les effets. Waouh ! Oui, oui, oui, oui. Alors, si vous faites vous en ça avant... un tout petit peu plus sur ce truc magique. Marlène est intéressée. C'est un soin du visage d'une heure, mais qui n'utilise pas de produit à part une huile, évidemment, pour que les manœuvres puissent glisser. Ouais. Et en fait, ce sont des manœuvres très spécifiques qui vont stimuler les cellules, qui s'appellent les fibroblastes, qui produisent naturellement le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. Et en fait, on va stimuler ces cellules mécaniquement pour qu'elles se remettent à produire ces substances. Donc déjà, on va avoir un côté lissant, liftant. Et ensuite, c'est aussi un soin drainant. Donc on va évacuer les toxines, donc redonner de l'éclat à la peau. Et on va aussi, avec tout un protocole de digipression au niveau du visage, stimuler tous les organes dits émonctoires, l'estomac, le foie, la rate, l'intestin, wow, grêle, le gros intestin, vésicule biliaire, pour avoir ce côté vraiment dépolluant, détoxinant, détoxifiant. Donc vous ressortez vraiment de manière assez immédiate avec un visage plus éclatant, plus frais, plus reposé, lissé, lifté. Donc soit c'est à faire en cure parce que vous voulez des effets anti-âge bien précis sur le long terme, soit vous pouvez le faire en one shot avant un mariage, avant une soirée, avant un rendez-vous important. Wow, ouais, c'est génial. Et c'est un soin qui a des manœuvres vives pourtant, puisqu'on travaille la tonicité, donc il y a certaines manœuvres qui sont, et qui pourtant est extrêmement relaxant. Mm-hmm. Ça dure combien de temps ? Une heure. Une heure en, oui, plus, donc c'est rapide. Oui, oui, oui, oui, c'est top. Donc, je prends rendez-vous où, Marie ? Alors, tu prends rendez-vous soit sur Planity, soit via mes réseaux sociaux, Marie Montassier Beauté Tours. Voilà, on retrouve toutes les informations pour mes coordonnées, mon numéro de téléphone ou tout simplement m'envoyer un message privé. Très bien. Voilà. Eh ben, merci à toi pour toutes ces belles précisions. Avec plaisir. On est prête à attaquer l'été comme il se doit. Et acheter votre crème solaire. Exactement. SPF 50, hein, c'est ça ? Oui, oui, oui, oui. Ça n'empêche pas de bronzer. Ça fait juste un bronzage plus joli. Ah bah voilà, mais alors que de bénéfices, oui, que de bénéfices. Oui. Merci beaucoup, c'était Marie Montassier, 10 minutes pour soi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur Radioactive. Merci. À très bientôt. À très bientôt.